si moi j'étais grand bonhomme. Il est grand bonhomme. Mais doute pas, il est un grand bonhomme. Qui c'est qui dit dans ta tête qu'il est un grand bonhomme? D'où ça vient ça? Sais-tu d'où ça vient? Hein? Non? Mande-le toi. Hein? Avec ça, on va aller.